Analyse du 5 novembre 2021. Thierry Pirlo, Sherpa One. Guerre contre les peuples. Analyse personnelle de la situation. Mon interprétation des événements actuels est, comme je viens de le dire, personnelle et n'engage donc que moi. Elle découle de mes propres recherches, de mes intuitions et de mon ressenti concernant le plan des mondialistes que je vois s'installer inexorablement depuis de très nombreuses années. Ce plan atteint son paroxysme depuis début 2020 par l'instauration d'une gouvernance mondiale avec l'intention de réduire drastiquement le cheptel au passage, tout en le plaçant sous domination communiste marxiste sur le modèle chinois 5.0. Me taire ou ne pas passer 4 heures à vous écrire serait pour moi de la non-assistance à personne en danger. Alors lisez-moi, écoutez-moi, ou placez ce document à la corbeille, ce n'est plus de mon ressort. Mais je vous conseille de garder l'esprit et l'œil bien ouverts. Hormis le fait que vous devez être conscient que nous sommes à cette heure au beau milieu d'une troisième guerre mondiale asymétrique, contre les peuples, et que nous traversons une zone temporelle extrêmement dangereuse, avec cette multiplication des injections imposées de manière radicale et anticonstitutionnelle, je suis néanmoins certain que des forces contraires tentent en ce moment d'inverser le processus de notre propre destruction. Une alliance de plusieurs grands pays, œuvrant pour le bien de l'humanité, est actuellement en guerre contre cet état profond, insidieusement infiltré dans tous les états du monde, et est à mon sens en train de gagner cette guerre contre ces psychopathes mondialistes et eugénistes, qu'ils soient milliardaires ou politiciens aux ordres de ce nouvel ordre mondial. Et c'est une très bonne nouvelle. Mais elle ne le sera que pour les survivants. La guerre n'étant pas terminée, nous sommes actuellement dans cette zone dangereuse, comme en 1943, où l'occupant fait encore ce qu'il veut et procède, dans notre cas précis, à ses propres expériences scientifiques et médicales, dans un Auschwitz à échelle mondiale, car il suit tout simplement sa feuille de route globaliste, qui a été décidée il y a des décennies. En attendant que les peuples prennent définitivement conscience de leurs objectifs abjects et qu'ils reprennent d'eux-mêmes leur pouvoir, leur liberté et leur souveraineté, cette alliance fait actuellement le plus gros du travail partout dans le monde, par le biais d'observations militaires secrètes de nettoyage, et cela prend du temps, beaucoup de temps. Mais cette alliance a surtout besoin de nous, besoin que les peuples du monde se réveillent en masse pour pouvoir se débarrasser définitivement de ces kabbalistes, sans leur laisser la possibilité de renaître plus tard de leurs cendres, tel un funeste phénix. Comme en juin 44, l'idée d'un sauveur venu d'outre-Atlantique pour nous libérer est bien sûr la solution la plus confortable. Mais même si l'histoire se répète, elle est à chaque fois différente et demande à cette heure un minimum d'implication des peuples, afin d'accélérer la victoire sur ces sociopathes qui nous considèrent encore moins que les nazis durant la dernière guerre. La libération n'est donc plus très loin. Mais cette zone de danger actuelle est bien réelle, pour nous et pour nos enfants. Et donc, à toutes celles et ceux qui me demandent si tout ceci va encore durer longtemps, ou quand cette alliance nous viendra-t-elle en aide, je leur réponds qu'elle nous aide déjà depuis le début de cette guerre, mais que vous ne le voyez pas, et que l'issue ne dépend que de nous, et de nos caractères de Gaulois réfractaires. Plus les gens se complairont sous la couette, plus le réveil sera lent, et plus s'étendra cette zone de danger, qui est actuellement une période open bar pour ces mondialistes. La fainéantise intellectuelle est le plus beau cadeau que nous leur faisons, et notre ignorance est leur plus grande force. Même s'il est plus simple et plus confortable de se répéter, comme pour la méthode Coué, que jusqu'ici tout va bien, et que toutes ces allégations concernant les thérapies géniques, que je suis incapable d'appeler à cette heure « vaccins », sont des foutaises de complotistes, ma conviction actuelle en 2021 reste qu'une minorité dominante de la population a bel et bien l'intention de dératiser une partie de l'humanité et de stériliser les survivants. Dératiser une partie seulement, car ils ont besoin de l'autre pour leur survie économique. Ils ont décidé il y a déjà très longtemps que nous sommes tels des nuisibles, trop nombreux sur leur planète, et que nous sommes les responsables de sa destruction. Depuis plus de 20 ans, je vois passer des informations concernant des plans de diminution de la population pour la ramener à 500 millions d'habitants. Allez donc voir les Georgia Guidestones. Bien sûr, ce sont toujours des théories conspirationnistes non prouvées, car secrètes. Et même depuis toutes ces années, lorsque les secrets transpirent, la propagande ne tarde jamais à décrédibiliser l'ensemble, en nous faisant passer pour des complotistes. Alors qu'en réalité, nous débusquons les comploteurs. Nous les mettons en lumière. Or, il s'avère que leur plan de réduction est bien en marche et bien exact. Mais de manière plus subtile que ce que la majorité complotiste imaginait au départ. En effet, plus c'est gros et plus ça passe, comme ce fut le cas le 11 septembre 2001. Mais les années passant, ces tarés ont affiné leur plan de manière bien plus démoniaque. Oubliez donc les puces RFID dans la main. Ils sont désormais capables de vous les injecter. Il n'y a qu'à voir la multitude de vaccinés qui émettent une séquence de chiffres et de lettres détectables via le protocole Bluetooth. En informatique, ces séquences sont appelées adresses MAC pour Media Access Control. Autrement dit, contrôle d'accès à des médias. Encore faut-il qu'ils aient reçu le bon produit et non un placebo. Leur but n'est donc pas de supprimer 6,5 milliards de personnes d'ici l'été prochain, car vous l'aurez compris, cela paralyserait totalement le monde et ferait de chacun des survivants un fossoyeur en puissance durant de longs mois, et non un acteur économique aux ordres du système. Leur plan est de supprimer systématiquement, mais régulièrement et progressivement, une partie du troupeau sur une période limitée mais inconnue. Ils ont le temps. Comme disait le regretté Fernand Reynaud à propos du temps que met le fût du canon à se refroidir, il nous dévoile à la fin de son sketch un certain temps. Le tout, de manière suffisamment représentative, pour que les résultats soient visibles et cohérents à moyen terme, et non hors proportion, afin que cela reste crédible dans le cadre d'une pandémie incessante qui aura bon dos. Mais, dans tous les cas, suffisamment effroyable pour que chacun et chacune d'entre nous en soit impacté au niveau de nos familles. En priorité, les personnes âgées, handicapées, faibles, et celles ayant des comorbidités, quel que soit l'âge, et donc toutes les personnes inutiles et coûteuses à leur projet mondialiste. Cette phase est déjà en route depuis de nombreuses années par un empoisonnement systématique des populations, par de nombreux biais. Alimentation, cosmétiques, médicaments, vêtements, ondes, etc. Et bien sûr, par des chemtrails incessantes depuis l'an 2000, coup de départ du grand abattage. Ils ont simplement passé la surmultipliée en mars 2020 avec le premier confinement. C'était le premier test grandeur nature, avec un petit coup de main du Rivotril pour une euthanasie organisée et autorisée par les autorités en 2020 dans les homes et dans les hôpitaux. Les thérapies géniques sont la phase suivante de cette éradication systématique programmée sur de nombreuses années. Comme ils ont le luxe et l'accord de nos gouvernements de procéder à une expérience à échelle planétaire, ils peuvent se permettre de décider quoi injecter et à qui, et de procéder au suivi statistique des effets secondaires et des diverses réactions, pour ensuite modifier leur mixture et procéder aux injections suivantes. Israël est l'un de leurs laboratoires expérimentaux en parallèle à la grande vaccination. Les Hébreux n'ont décidément pas de chance, mais cela doit être leur destin, suite à la crucifixion de Jésus, le plus grand complotiste ayant jamais existé. À leur tête, de faux sémites, mais de vrais sionistes, d'origine khazare. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont, eux, les deux grands labos concernant l'application du totalitarisme 5.0 sur des populations occidentales riches et embourgeoisées, histoire de voir s'il est possible de faire de même en Europe. Leur but est de ramener la population à 500 millions, mais sur le long terme, probablement sur quelques décennies, et non en quelques années. Mais le résultat est le même. Un génocide planétaire est accepté en haut lieu. Car c'est soit cette minorité aisée qui doit changer le modèle économique à croissance exponentielle, au détriment de leurs profits gigantesques, ce qu'ils ne veulent bien sûr pas faire, ou soit c'est le troupeau qui doit diminuer, faute de pâturage. Il n'y a pas d'autre solution, et ils ont choisi pour nous. C'est en fait cela, leur grand plan écologique qui sauvera la planète. Le reste n'est que de la fumée pour nous distraire et nous prendre notre argent via le GIEC et de pauvres gamines écervelées sous MK Ultra, telles que Greta Thunberg et consorts. Le fait que son P. Didi possède 8 Ferrari qui consomment 25 litres au 100 n'émeut personne, vu qu'il a dit en 2018 qu'il ne roulait qu'avec une seule Ferrari à la fois. Dont acte. Cette gamine dit donc à la tribune de l'ONU « How dare you ? Comment osez-vous ? » Eh bien, les cons, ça ose tout. Et c'est même à cela qu'on les reconnaît. Enfin, je le pensais. Il n'y a donc qu'à voir avec quel dédain nos élites se rassemblent à Glasgow pour la COP26. Avec 200 jets privés faisant exploser le bilan carbone en 2 jours, à égalité avec un petit pays comme le Liechtenstein, bilan déjà désastreux et qu'ils sont censés solutionner. Mais ils s'en foutent royalement, vu que la solution arrivera d'elle-même grâce à la dératisation du genre humain. Ah, on a les chefs qu'on mérite. Vous les voyez à Bruxelles, les Merkel, les Macron, les Biden sortir de leur limousine, masqués comme Zorro, devant un parterre de pseudo-journalistes et de militaires masqués eux aussi, faisant la haie d'honneur pour ces psychopathes, pour ensuite les voir entrer à l'intérieur, se démasquer et s'embrasser entre eux. Ils se moquent de nous, et beaucoup ne le voient pas, malheureusement. Voilà pour l'aspect géopolitique. En ce qui concerne cette attaque contre les peuples, vous devez comprendre qu'il nous est impossible de savoir qui reçoit quoi lors des vaccinations de masse. Car vous leur faites confiance. Eux savent exactement ce que vous avez reçu, quand vous l'avez reçu et si des effets secondaires sont remontés jusqu'à eux. Il est également possible que 50%, voire moins de la population, ait reçu lors de la première, voire des 2 premières doses, un placebo. Ce qui explique que tout le monde ne soit pas touché par des effets secondaires. Au-delà de faire avancer la science, cela fait reculer votre propre perception des risques à venir, en jetant le trouble et le doute. Ils ont le temps et ne sont pas pressés, car ils savent que même celles et ceux ayant reçu un placebo seront rattrapés par les injections suivantes. Donc pour celles et ceux qui se portent comme des charmes, après 2 injections, vous devez être conscient qu'à force de mettre de la monnaie dans la machine, vous risquez bel et bien de remporter le gros lot. Un aller simple vers le démiurge. Il est donc aussi possible que la 3e dose ou la 4e soit quant à elle la même pour tout le monde. Tout aussi probable que chaque marque injecte son propre cocktail expérimental afin de déterminer lequel est le plus efficace pour contrôler les survivants, mais aussi éliminer une partie ciblée de la population de manière drastique, régulière et silencieuse. D'après les dernières données de scientifiques non vérolés par le système de corruption mis en place, ces thérapies géniques seraient toutes à ARNm, ce qui implique une modification génétique irréversible, tout comme les OGM, plaçant tous les humains comme Kobe et sous le coup d'un brevet transhumaniste pour celui qui a produit et breveté le cocktail. Ceci leur permettrait techniquement de placer ces Kobe sous leur propriété intellectuelle, notamment concernant les médocs pour les soigner. Vous quittez donc le genre humain pour accéder à une nouvelle catégorie, le transhumain, que ces tarés ne tarderont pas à catégoriser et à s'approprier. Ceci vous priverait de facto, à terme, de tous vos droits humains et de toutes les obligations contractuelles que les assurances, vie, pension, prêt hypothécaire, ont envers vous en cas de décès inopiné ou d'invalidité suite aux injections et à leurs effets, et que vous serez incapable de prouver devant un tribunal corrompu. En effet, en acceptant sans aucune condition ces thérapies, vous n'êtes désormais plus, à cette heure, le même humain que celui qui signa, à l'époque, leur contrat. Ce qui leur donne toute latitude pour vous priver de toute indemnisation, en vous plaçant dans des procédures sans fin, avec des subtilités contractuelles que vous n'aurez pas vu arriver. L'ARNm a également la propriété, outre celle de vous modifier, de faire de vous un super propagateur de virus, mais aussi de protéines spike. De virus, car vous avez dorénavant la fantastique faculté de les reproduire, grâce à de micro-usines censées combattre le fléau et qui créent à l'envi de nouveaux variants toujours plus résistants. Le tout au détriment de votre propre immunité naturelle sacrifiée sur l'autel du Covid. Autant dire que si vous êtes paré pour l'une ou l'autre version du 19, vous ne l'êtes plus du tout pour toutes les autres pathologies. C'est un choix. La seconde propriété qui est, elle, de produire une quantité industrielle de protéines spike est la plus importante pour leur plan d'éradication, vu qu'elle concerne la vaccination insidieuse de votre entourage par transmission croisée. En effet, ces docteurs Folamour comptent donc sur cette spike pour propager les thérapies géniques d'un individu à l'autre, sans avoir besoin de vacciner la population entière. Le fameux effet shedding. Via l'excrétion par la respiration, et donc via les rapports sociaux, mais aussi via les muqueuses, de telle manière qu'il sera compliqué pour un non-vacciné de partager la vie d'un vacciné sans, à terme, avoir à subir les effets de son choix irréfléchi et inconscient. Leur plan prévoit qu'en quelques années, toute la population sera d'une manière ou d'une autre contaminée entre collègues, entre cohabitants, entre adolescents et dans les familles, de parents vers les enfants et petits-enfants. Et, last but not least, le dernier, mais non le moindre, génétiquement, par le biais des procréations, qui se feront certes de plus en plus rares, mais qui permettront à nos petits-enfants de bénéficier également des choix chimiques faits par leurs parents. Les ARNm et des substances de stérilisation sont donc également prévues pour passer d'une génération à l'autre, ce qui provoquera, outre beaucoup de décès à tout âge dus aux tempêtes cytokiniques, provoquant AVC et myocardite, ou encore de nombreux troubles de la microcoagulation, une disparition à terme du nom de famille, par absence de descendance. Une réduction de la population est donc bien réelle et en cours, mais le vrai génocide se fera sur votre descendance qui n'existera pas ou qui s'éteindra rapidement. Les 500 millions pourraient donc être très vite atteints en quelques dizaines d'années, non pas en trucidant les trois quarts de l'humanité, mais en évitant les naissances et en attendant patiemment l'extinction des générations existantes. Le tout sous le contrôle d'une minorité dominante qui se prend pour Dieu et cherche à atteindre l'immortalité. Une grande partie des élites de la société aide bien sûr cette minorité à atteindre ses objectifs en ayant reçu la promesse de ne pas faire partie de l'équation. Mais nombre de ces bas échelons seront néanmoins également sacrifiés, à cause de leur stupidité, de leur naïveté et de leur pognon, unique vecteur de leur misérable existence. Hormis les ARNm, la Quinta Colonna, la cinquième colonne en Espagne, a été la première à détecter la présence de graphène et de cristaux dans les vaccins Pfizer. Et l'équipe de l'avocat allemand Rainer Fulmich a découvert la présence de nanotechnologies, des nanobots ayant la capacité de se restructurer à l'intérieur du corps, et notamment du cerveau, grâce au graphène et à l'électricité générée par les corps, pour former des dispositifs électroniques miniaturisés. Science-fiction ? Non, c'est bien plus grave encore. Cette technologie inoculée est nécessaire pour la partie du troupeau qui survivra les prochaines années aux attaques incessantes des injections imposées. Beaucoup ne survivront pas à cause de cette tempête due aux attaques de variants toujours plus résistants, mais aussi à cause du phénomène de transcriptase inverse, dû à la présence de brins d'ARN de HIV qui composent notamment le SARS-CoV-2. Le HIV est le seul pouvant provoquer cette inversion catastrophique de l'ARN vers l'ADN. Voir ce que disait le professeur Luc Montagnier. C'est un virus à gain de fonction, modifié intentionnellement, et donc la dose fait le poison mortel. Mais la plus grande partie vaccinée, mais non impactée, sera sous contrôle d'une manière ou d'une autre, grâce à une interface neurale qui interagira avec la future 5G et 6G. Non pas pour faire de vous des robots, mais pour manipuler votre mental et faire de vous des agneaux soumis à l'autorité, comme de vulgaires objets connectés. L'Hydra vulgaris, petit parasite en forme de pieuvre microscopique et retrouvé dans certains flacons, expliquerait également leur volonté de nous interdire l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, qui sont de puissants antiparasitaires et antiviraux reconnus. La présence de cette Hydra vulgaris, découverte par le docteur Rubis aux USA, s'expliquerait probablement dans le cadre d'expérimentations sur un panel de citoyens pour la régénération de cellules, vu que cette petite saloperie a la possibilité de s'auto-régénérer et qu'il cherche l'immortalité. Ce n'est bien sûr pas pour nous en faire profiter, mais pour nous étudier, vu que ce qu'ils y ont ajouté nous tuera plus tard. À coup sûr. Une autre théorie est qu'il n'y a point d'ARN dans les injections, mais bien le reste, des spikes synthétiques, des produits chimiques de stérilisation, des parasites, du graphène et des nanotechnologies. La coque vide serait-elle un parasite biosynthétique et non un virus ? Seuls quelques centaines de médecins et de scientifiques résistants sur des millions d'autres aux ordres dans le monde travaillent d'arrache-pied pour découvrir et faire jaillir la vérité au péril de leur propre vie. Vous devez également comprendre que ce plan de régulation va de pair avec l'immigration de masse que l'on nous promet à cause du dérèglement climatique. Les immigrés climatiques ne tarderont pas à être également poussés vers l'Europe grâce aux ONG aux ordres, afin d'absorber à terme la population européenne, condition sine qua non pour obtenir l'obéissance complète suivant le modèle que les mondialistes veulent instaurer. Plan Kalergi du grand remplacement. Posez-vous la simple question de savoir pourquoi cette vaccination de masse quasi obligatoire ne concerne que l'Occident, et donc les pays riches. Pour nous sauver d'un virus ou parasite qui tue 0,01% de la population ? L'équation est simple. 85% de vaccinés en Europe, avec une moyenne de 1,2 enfants par couple. Une population âgée et inutile, attaqués par les ARNM et des jeunes qui seront à terme stérilisés. Et de l'autre côté, de 5 à 10% de vaccinés dans les pays pauvres d'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient, avec en moyenne 4 enfants par couple. Une population jeune et vigoureuse, non vaccinée. La grande migration n'a pas encore débuté. Celle que nous vivons depuis 2015 via la Méditerranée, par des populations qui fuient les guerres fomentées par ces psychopathes au lendemain du printemps arabe, via l'éradication de leurs chefs, que ce soit Saddam Hussein, Muammar al-Kadhafi, ou la tentative sur Bachar el-Assad, n'est qu'une migration de scouts chrétiens chantant « La Bohème » à côté de ce qui se profile par l'intermédiaire des ONG du milliardaire George Soros. Mais la guerre n'est pas terminée. Et nous devons prier pour que la majorité non consentante soit capable de mener à bien le grand réveil aidés par cette alliance militaire internationale. Sinon, nous assisterons médusés à notre propre disparition programmée. À cette heure, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais de faire vos propres recherches et d'actionner dès à présent le principe de précaution. Il est temps que votre cerveau reptilien se mette en branle et que nous nous mettions en ordre de bataille, car il en va de notre survie à tous et à toutes. Depuis 18 mois, je partage 24 heures sur 24 des infos à un tas de gens qui, pour certains, me prennent pour un illuminé. Mais force est de constater que pour un seul argument bancal des autorités et des scientifiques aux ordres sur la pertinence d'injecter la population pour soi-disant éradiquer une maladie respiratoire qui fait, je le rappelle, 99,98% de survivants, vous avez tout de suite 10 arguments contradictoires et interpellants qui font leur apparition sur les réseaux. On peut aussi parler de hasard, suite à tous les événements bizarres qui se succèdent chez nous, mais aussi outre-Atlantique avec la marionnette Biden. Que ces événements soient d'ordre sanitaire ou géopolitique, après bientôt 2 ans, ce ne sont plus des hasards, et encore moins des coïncidences, mais des faits qu'une majorité de gens se refusent à regarder en face, bloqués dans leur hypnose collective et englués dans leur dissonance cognitive pathologique. Nous sommes en guerre. Et dans les guerres, nous avons en général 2 camps. Celui de l'ennemi reconnu avec certitude et celui de l'ami reconnu avec certitude, comme en 1940. Ils ont même des uniformes distinctifs que les lois de la guerre interdisent d'être portés par l'autre camp pour infiltrer l'ennemi. Dans la théorie, on s'entend. Il y a aussi les conventions de Genève qui obligent les belligérants à prendre soin des prisonniers et aux médecins à porter assistance à tous les blessés, amis ou ennemis. Cette guerre 5.0 ne respecte plus aucun code. Et tous les acteurs, hormis cette alliance, en ont accepté les effroyables conséquences en haut lieu, lors de leur réunion Bilderberg. De cette manière, nous devons désormais présenter un pass sanitaire prouvant notre bonne santé afin de pouvoir bénéficier de soins, au même titre que nous devrons prouver notre bonne santé pour pouvoir manger de la merde au McDonald's. Et nous les avons laissés faire. Et nous les laissons actuellement injecter nos enfants, convaincus, pour le plus grand nombre, de retrouver une vie normale, que la minorité non consentante est consciente de devoir fuir et abandonner. Sauf que cette guerre ne respecte aucun précepte. Notamment cette notion de camp ami ou ennemi, grâce au secret et au silence des combats, ce qui rend impossible pour nombre d'entre nous de les discerner et de distinguer le bien et le mal. Et pourtant, il existe le mal, et il œuvre sous nos yeux, et avec notre accord tacite. Le bien est aussi présent dans la bataille. Encore faut-il être capable de le reconnaître. Notre petit gouvernement belge non élu n'a probablement d'autre choix que celui de suivre la feuille de route imposée par les mondialistes. Mais contrairement à ce que vous pouvez en penser, ils sont conscients du plan, responsables de leurs décisions, et sont tout sauf incompétents. Ils n'œuvrent pas pour le bien de leurs concitoyens et se doivent de rendre des comptes à la fin de la guerre. Prenez soin de vous et prenez dès à présent les bonnes décisions pour votre santé, vu que c'est tout ce qu'il nous reste de gratuit. Pour celles et ceux qui n'ont rien concédé, tenez bon et gagnez du temps. Pour les autres, refusez les injections suivantes et rejoignez la résistance. Elle existe et a besoin de toutes les forces encore vives et vous accueillera sans aucun jugement. N'hésitez pas à me donner votre propre ressenti de ce que vous vivez, de ce que vous en comprenez. Where we go one, we go all. Sherpa One. Nota Bene. Cette analyse datant du 5 novembre 2021, ma vision en 2023 du SARS-CoV-2 et de ce que contiennent les injections a bien sûr évolué depuis. À présent, je remets en doute l'existence des virus et donc du VIH et de la théorie de la transcriptase inverse du professeur Luc Montagnier, concernant l'adjonction d'un brin de VIH sur le Covid-19. Il est probable que ce Covid-19 soit en fait un parasite bidouillé, chimère bactérie dans un parasite synthétique qui se disperse tel une spore de champignon. Je remets également en doute la présence d'ARN dans les injections, mais pas de la protéine spike biosynthétique créée par l'homme et directement placée dans ces mêmes injections. Je suis toujours convaincu de la présence de graphène et de nanotechnologies ayant pour but de pluguer la population sur le cloud de Big Brother, pour en faire des objets connectés dans les deux sens. Et je suis surtout toujours convaincu par l'existence de Q et d'une alliance militaire qui limite les dégâts sur la population et œuvre en secret pour notre salut à tous et à toutes. Cher Pawan, 17 juin 2023.